Section 77 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Alexandre Ivan Card. La lecture, tome 2e. Section 77. Fleur de blé, Noël flamand, par Camille Lemonnier. Chapitre 2. Voilà monsieur le docteur Trousseau qui vient te dire bonjour, fleur de blé, dit tout à coup bonne maman Jans. Monsieur Trousseau poussa la porte et, étant allé droit au lit, il dit: C'est papa Trousseau, comment vas-tu, mademoiselle? Voyons le pouls, et la langue? Tu as le sang aux joues, petite. On a donc eu des émotions? C'est ça, la Saint-Nicolas. Monsieur Trousseau mit la main sur le cœur de l'enfant, puis il y mit l'oreille. Et ses yeux tout à coup roulèrent sous ses gros sourcils gris, comme la boule avec laquelle les joueurs abattent les quilles au coq sans tête. En ce moment, Yann et sa femme entrèrent l'un derrière l'autre sur la pointe des pieds, comme des ombres, en retenant leur haleine. Alors Monsieur Trousseau se mit à souffler dans ses joues pour ne pas leur montrer son inquiétude. Puis il prit son chapeau et son parapluie et courut à la cure avertir Monsieur le vicaire. Or, monsieur le vicaire aimait beaucoup les Yann, et quelquefois allait les dimanches d'été manger la tarte chez eux. Quand la pendule sonna 9 heures, Fleur de Blé s'éveilla. Bonne maman, est-ce que Saint-Nicolas n'est pas encore venu? Non, Fleur, il n'est pas encore venu, mais il passe sur la place. Oh, bonne maman, laissez-moi voir passer Saint-Nicolas sur la place. Fleur, reste en paix. Saint-Nicolas ne donne plus rien aux enfants qui l'ont vu. Oh, bonne maman, j'entends sur la place la voix du petit Paul qui crie. Saint-Nicolas passe derrière la maison du boucher Canu, et celle de la petite Marie qui lui répond. Non, il ne passera que dans 1 heure. Le père Jans, entendant d'en bas qu'on parlait, monta, et, ayant enveloppé Fleur de Blé d'un jupon de laine, l'approcha de la fenêtre dont il souleva le petit rideau blanc. Il était tombé de la neige dans l'après-midi, et il y en avait par terre près de 3 pouces. Les maisons de la place se détachaient en noir sous une perruque blanche, dans un ciel roux d'où les flocons continuaient à tomber, comme tombe en mai sous les ciseaux du tondeur la toison des brebis. Des lumières bougeaient, et devant les boutiques, les quinquets dessinaient en rouge sur le sol blanc les carrés des vitrines. Mais ce que Fleur de Blé regardait surtout, c'était les grands parapluies des marchandes qui, les sabots garnis de pantoufles et les mains sous leurs tabliers, se tenaient assises au milieu de la place, devant les tables recouvertes de nappes en serge à carreaux bleus et blancs sur lesquels s'étalaient des lions de sucre d'orge, des drapeaux de Notre-Dame de Halle, des poupées à tête de bois, des macarons, des coupes de Dinan et des spéculoos. Et, tandis que la neige dansait en petites ouates qui poudraient les parapluies et faisaient grésiller la mèche des chandelles, les enfants des pauvres gens, le nez roupilleux et un doigt dans la bouche, regardaient, sans rien dire et tour à tour, les brimborions de l'étalage et les marchandes qui à pleines joues soufflaient sur leurs petits réchauds de terre d'où s'envolait une nuée d'étincelles. Par moments, Fleur de Blé entendait un claquement de porte dans la rue, et tantôt un voisin quittait sa maison pour se rendre au cabaret, tantôt une voisine, en sabots et le cabas à la main, trottinait du côté des parapluies après avoir eu soin de faire le tour de clef, et d'autres fois elle n'entendait plus que des lambeaux de bois traînant dans le soir. Mais la neige amortissait tous ces bruits et les faisait paraître doux comme du velours. Je vois bien encore, disait-elle, la vieille Lisbeth qui balaye la neige devant sa porte, et elle a mis près d'elle un seau d'escarbilles pour les jeter sur le trottoir après qu'elle aura balayé. Je vois aussi monsieur Nuzel, le pâtissier, qui se promène les mains dans les poches en fumant sa belle pipe de porcelaine. Et il regarde de loin les bonshommes que papa a fait ce matin. Mais je suis bien contente de n'avoir pas vu Saint-Nicolas et je vais rentrer dans mon lit. Papa Yann se coucha, Fleur de Blé l'embrassa en lui disant. Dors bien, ma fleur. Ton papa fera la maison bien belle pour recevoir Saint-Nicolas. Et on étendra sous la cheminée le beau tapis rouge à fleurs noires qu'on met à la fenêtre entre 2 bougies quand passe monsieur le curé avec la procession. Et grand-maman Yann se dit. Comment est-il possible, Jésus mon Dieu, de ne pas aimer une enfant qui se laisse mettre au lit sans pleurer et qui est toujours contente de sa bonne maman? On n'entendit plus bientôt dans la chambre que la faible respiration de l'enfant et le bruit des aiguilles à tricoter qui cliquetaient dans les petites mains sèches de grand-maman Jens. Fin de la section 77.